une négociation. Réponds-moi sans mentir, si tu le peux, chien de lézard. D'où connais-tu madame de Rênal? Quand lui as-tu parlé? Je ne lui ai jamais parlé, répondit Julien. Je n'ai jamais vu cette dame qu'à l'église. Mais tu l'auras regardée, vilain effronté. Jamais. Il y a pourtant quelque chose là-dessous, répliqua le paysan malin, et il se tut un instant. Mais je ne saurais rien de toi, maudit hypocrite. Au fait, je vais être délivré de toi, et Massy n'en ira que mieux. Tu as gagné, monsieur le curé, ou tout autre qui t'a procuré une belle place. Va faire ton paquet, et je te mènerai chez monsieur de Rênal, où tu seras précepteur des enfants. Je ne veux pas être domestique. Animal, qui te parle d'être domestique? Est-ce que je voudrais que mon fils fût domestique? Mais avec qui mangerai-je? Cette demande déconcerta le vieux Sorel. Julien voulait penser à cette annonce imprévue qui changeait son sort, mais il se sentit incapable de prudence. Son imagination était tout entière à se figurer ce qu'il verrait dans la belle maison de M. de Rênal. « Il faut renoncer à tout cela, se dit-il, plutôt que de se laisser réduire à manger avec les domestiques. Mon père voudra m'y forcer, plutôt mourir. J'ai 15 francs 8 sous d'économie, je me sauve cette nuit. » Cette horreur pour manger avec des domestiques n'était pas naturelle à Julien. Il eût fait, pour arriver à la fortune, des choses bien autrement pénibles. Il puisait cette répugnance dans les Confessions de Rousseau. C'était le seul livre à l'aide duquel son imagination se figurait le monde. Avec une âme de feu, Julien avait une de ces mémoires étonnantes si souvent unies à la sottise. Pour gagner le vieux curé Chélan, duquel il voyait bien que dépendait son sort à venir, il avait appris par cœur tout le Nouveau Testament en latin, il savait aussi le livre du pape, de M. de Maistre, et croyait à l'un aussi peu qu'à l'autre. Le lendemain de bonne heure, M. de Rênal fit appeler le vieux Sorel, qui, après s'être fait attendre une heure ou deux, finit par arriver en faisant dès la porte cent excuses entremêlées d'autant de révérences. À force de parcourir toutes sortes d'objections, Sorel comprit que son fils mangerait avec le maître et la maîtresse de la maison, et les jours où il y aurait du monde, seul dans une chambre à part avec les enfants. « Eh bien, » dit Sorel d'un ton de voix traînard, « il ne reste donc plus qu'à nous mettre d'accord sur une seule chose, l'argent que vous lui donnerez. »« Comment ? » s'écria M. de Rênal indigné. « Nous sommes d'accord depuis hier. Je donne 300 francs, je crois que c'est beaucoup, et peut-être trop. » « C'est votre offre, je ne le nie point, » dit le vieux Sorel, parlant encore plus lentement. Et par un effort de génie qui n'étonnera pas ceux qui ne connaissent pas les paysans franc-comtois, il ajouta en regardant fixement M. de Rênal, « Nous trouvons mieux ailleurs. »« Eh bien, je lui remettrai 35 francs, » dit M. de Rênal. « Pour faire la somme ronde, un homme riche et généreux comme monsieur notre maire, » dit le paysan d'une voix câline, « ira bien jusqu'à 36 francs. » À la fin, voyant qu'il n'y avait décidément plus rien à gagner, il se retira. Sa dernière révérence finit par ces mots. « Je vais envoyer mon fils au château. » C'est ainsi que les administrés de M. le maire appelaient sa maison quand ils voulaient lui plaire. De retour à son usine, ce fut en vain que Sorel chercha son fils. Se méfiant de ce qui pouvait arriver, Julien était sorti au milieu de la nuit. Il avait voulu mettre en sûreté ses livres et sa croix de la Légion d'honneur. Il avait transporté le tout chez un jeune marchand de bois, son ami nommé Fouquet, qui habitait dans la haute montagne qui domine Verrières. Quand il reparut, « Prends tes guenilles et va-t'en chez monsieur le maire. » Julien, étonné de n'être pas battu, se hâta de partir. Mais à peine hors de la vue de son terrible père, il ralentit le pas. Il jugea qu'il serait utile à son hypocrisie d'aller faire une station à l'église. Ce mot vous surprend? Avant d'arriver à cet horrible mot, l'âme du jeune paysan avait eu bien du chemin à parcourir. Dès sa première enfance, la vue de certains dragons du sixième, au long manteau blanc et la tête couverte de casques aux longs crins noirs qui revenaient d'Italie et que Julien avait attaché leurs chevaux à la fenêtre grillée de la maison de son père, le rendait fou de l'état militaire. Mais lorsque Julien avait 14 ans, on commença à bâtir à Verrières une église, que l'on peut appeler magnifique, pour une aussi petite ville. Tout à coup, Julien cessa de parler de Napoléon. Il annonça le projet de se faire prêtre. et on le vit constamment dans la scie de son père, occupé à apprendre par cœur une Bible latine que le curé lui avait prêtée. Ce bon vieillard, émerveillé de ses progrès, passait des soirées entières à lui enseigner la théologie. Julien ne faisait paraître devant lui que des sentiments pieux. Qui eût pu deviner que cette figure de jeune fille, si pâle et si douce, cachait la résolution inébranlable de s'exposer à 1000 morts plutôt que de ne pas faire fortune? Pour Julien, faire fortune, c'était d'abord sortir de Verrières. Il abhorrait sa patrie. Tout ce qu'il voyait glaçait son imagination. Depuis bien des années, Julien ne passait peut-être pas une heure de sa vie sans se dire que Bonaparte, lieutenant obscur et sans fortune, s'était fait le maître du monde avec son épée. Cette idée le consolait de ses malheurs qu'il croyait grands et redoublait sa joie quand il en avait. Quand Bonaparte fit parler de lui, la France avait peur d'être envahie. Le mérite militaire était nécessaire et à la mode. Aujourd'hui, on voit des prêtres de 40 ans avoir 100 000 francs d'appointement, c'est-à-dire 3 fois autant que les fameux généraux de division de Napoléon. Il leur faut des gens qui les secondent. Voilà ce juge de paix, si bonne tête, si honnête homme, jusqu'ici, si vieux, qui se déshonore par crainte de déplaire à un jeune vicaire de 30 ans. Il faut être prêtre. Voilà le jeune homme de 19 ans, mais faible en apparence, et à qui l'on eût tout au plus donné 17, qui, portant un petit paquet sous le bras, entrait dans la magnifique église de Verrières. Il la trouva sombre et solitaire. À l'occasion d'une fête, toutes les croisées de l'édifice avaient été couvertes d'étoffes cramoisies. Il en résultait, aux rayons du soleil, un effet de lumière éblouissant, du caractère le plus imposant et le plus religieux. Julien tressaillit. Seul dans l'église, il s'établit dans le banc qui avait la plus belle apparence. Il portait les armes de M. de Rênal. Sur le prie-Dieu, Julien remarqua un morceau de papier imprimé, étalé là comme pour être lu. Il y porta les yeux et vit « Détails de l'exécution et des derniers moments de Louis Jeanrel, exécuté à Besançon le... » Le papier était déchiré. Au revers, on lisait les deux premiers mots d'une ligne. C'était « Le premier pas ». « Qui a pu mettre ce papier-là ? » dit Julien. « Pauvre malheureux, » ajouta-t-il avec un soupir. « Son nom finit comme le mien. » Et il froissa le papier. En sortant, Julien crut voir du sang près du bénitier. C'était de l'eau bénite qu'on avait répandue. Le reflet des rideaux rouges qui couvraient les fenêtres la faisait paraître du sang. Enfin, Julien eut honte de sa terreur secrète. « Serais-je un lâche ? » se dit-il. « Aux armes !» Ce mot, si souvent répété dans les récits de bataille du vieux chirurgien, était héroïque pour Julien. Il se leva et marcha rapidement vers la maison de M. de Rênal. Malgré ses belles résolutions, dès qu'il l'aperçut à 20 pas de lui, il fut saisi d'une invincible timidité. La grille de fer était ouverte, elle lui semblait magnifique, il fallait entrer là-dedans. Julien n'était pas la seule personne dont le cœur fut troublé par son arrivée dans cette maison. L'extrême timidité de Mme de Rênal était déconcerté par l'idée de cet étranger qui, d'après ses fonctions, allait constamment se trouver entre elle et ses enfants. Elle était accoutumée à voir ses fils couchés dans sa chambre. Le matin, bien des larmes avaient coulé quand elle avait vu transporter leur petit lit dans l'appartement destiné au précepteur. Ce fut en vain qu'elle demanda à son mari que le lit de Stanislas Xavier, le plus jeune, fût reporté dans sa chambre. La délicatesse de femme était poussée à un point excessif chez Madame de Rênal. Elle se faisait l'image la plus désagréable d'un être grossier et mal peigné, chargé de gronder ses enfants uniquement parce qu'il savait le latin, un langage barbare pour lequel on fouetterait ses fils.